Bonsoir et bienvenue au Cirque Aquatique Magique. Savez-vous que Jacques Prévert était mort le 11 avril? Alors, étant donné que ça approche, on va faire un petit spécial Prévert aujourd'hui. Alors, ça va être plus tard dans l'émission. Je vous invite à rester bien à l'écoute. Mais sinon, on commence avec une pièce qui va réjouir tous les locataires qui sont à l'antenne, qui sont à l'écoute. C'est CKIA, la radio des locataires. La pièce s'intitule « Mauvais locataire ». Ces enfants-là plus vite. Parce que moi, je dois aller sortir. Là. On va monter, puis avec la police, vous voyez. On va être sortis. Merci. Don't be a little bit, avoir violé ce sanctuaire, je te condamne à recevoir 40 coups de Ça fait du bien, ça. C'était les Ramoneurs de Menhir qui faisaient deux pièces tirées du même album. On a entendu La Quenouille et Marche Bulgare. Et on a reconnu évidemment le son strident de la cornemuse. Oh. Je te dis que ça envoie par là ce groupe-là. Et on a entendu également la chanson Mauvais Locataire, qui est un montage fait avec une vraie, de vrai propriétaire, vraisemblablement sur le répondeur de son locataire. Et ils ont pris les enregistrements de la proprio, ils ont fait un mix, ils ont mis de la musique par-dessus, et ça a donné un chef-d'œuvre. Et j'ai trouvé ça sur le site de leftajup.com. Allez voir ce site-là et devenez vous-même un jupien. Alors, écoutez, trois pièces d'un drôle d'individu qui se produit sur scène sous de nombreux pseudonymes. Et on commence avec celui de Iron Baden. On commence avec la pièce « Sous-sol de la peur ». Oh! Vous êtes au Cirque Aquatique Magique en compagnie de François Gécouillard.

récupérer. Parce qu'on sait que c'est ceux-là qui polluent le plus au monde. C'est les pays défavorisés. Parce qu'ils ont pas de poubelles. Ok? Environnement! No! Environnement! J'aime ça voir mon monde s'élever. Faudrait comme quand le monde me traite grand galop, c'est un fifi. Oui, parce que je t'habille en rose. J'embrasse mes militaires sur le bord du ring. Dans le ring quand j'en bac. Je m'en fous. J'aime ça me faire traiter de fifi. Même sur la rue, je me fais rencontrer, je me fais traiter de fifi, même dans ma vie personnelle. Ça me dérange pas du tout. Ça me fait un chaud au cœur. Parce que je me dis que le monde m'aime dans le fond. Ils viennent me voir, je les provoque, ils lèvent, puis tant qu'ils vont élever, je m'en vais faire élever encore bien plus longtemps que ça. Le meilleur band d'avoir bouteille. Même le rappeur Rose de Bones a pas impressionné. Ils ont pas compris que je voulais juste avoir un peu de fun, des bons moments. Juste un peu de fun, des bons moments de plaisir. J'ai fait un spécial, j'suis monté à Montréal, j'suis parti sur une pièce pour un band rush au Metropolis. J'ai fait un spécial, j'suis monté à Montréal, j'suis parti sur une pièce pour un band rush au Metropolis. Qu'est-ce que veux, j'suis un fan de Rush. Qu'est-ce que veux, j'suis un fan de Rush. Les filles aiment pas ça, pas plus que les gars. En fait, personne aime ça, à part le chanteur pis moi. Cet été, au Festival d'été de Québec, le grand retour de Rush. Oh, que le cirque aquatique magique est à la page! Que nous sommes! Toute l'équipe est à la page! Hein? On se met à jour. Alors, on informe les gens sur la programmation du Festival de l'été de Québec. Hein? On va contribuer à l'économie de Québec, je vous garantis. Alors, on a entendu sous son pseudonyme, lequel déjà? Joe Boca. Joël Martel nous faisait fan de Rush. Il racontait son amour infini pour le groupe. On a également entendu Papier de toilette et Sous-sol de la peur du groupe Iron Beden, qui apparemment les membres du groupe s'appelaient les Beden. Et c'était un groupe culte auprès de 67 personnes à l'époque, selon le site web martelsolo.com. Martel Solo, qui est un autre de ses pseudonymes. Alors, l'auteur de tous ces groupes-là, là, puis il y en a d'autres, là, si j'essaie de répertorier tous les groupes de Joël Martel, qui s'est dit lui-même le Grégory Charles des pauvres. Il y aurait Martel Solo, Les Patates Impossibles, Iron Beden, Joe Boca, Hep Hep Hep et Les Lions du rythme. Et je pense qu'il en manque les pseudonymes du même gars. Journaliste, auteur, blogueur, c'est l'ancien rédacteur en chef du Voir Saguenay. Écrit également sur l'excellent site Mauvaise Herbe. Vraiment intéressant ce groupe-là. Malheureusement, Joël Martel travaille depuis 2012 dans Le Quotidien, propriété de Jusqu'à. Alors, je sens que ça doit être moins intéressant ce qu'il écrit. Ah là là là là! Et oui, c'est comme ça. Joël Martel, donc, vous pouvez télécharger plein de ses albums gratuitement de sur son site internet martelsolo.com. Jacques Prévert est mort depuis trop longtemps. Il est mort un 11 avril, alors vu la proximité de la commémoration de son décès. On va faire un petit spécial Prévert. On commence avec... À l'honneur du nouveau pape, on va commencer avec Paternoster, interprété par Serge Reggiani. Mmh.

Un peu plus loin le bistrot, café crème et croissant chaud. L'homme titube et dans l'intérieur de sa tête, un brouillard de mots, un brouillard de mots. Sardines à manger, œufs durs, café crème, café arrosé rhum, café crème, café crème, café crème, arrosé sang. Un homme très estimé dans son quartier a été égorgé en plein jour. L'assassin, le vagabond, lui a volé 2 francs. Soit un café arrosé, 0,70 francs, 2 tartines beurrées et 25 centimes pour le pourboire du garçon. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible, ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. De ma mère, je suis né en hiver, une nuit de février. Des mois avant, en plein printemps, il y a eu un feu d'artifice entre mes parents. C'était le soleil de la vie, et moi déjà j'étais dedans. Ils m'ont versé le sang dans le corps, c'était le vin d'une source, et pas celui d'une cave. Et moi aussi un jour, comme eux, je m'en irai. Petit spécial Prévert au Cirque Aquatique Magique. On a entendu Jacques Prévert lui-même réciter le poème Fête. Marianne Oswald faisait La Grâce Matinée. Edith Piaf faisait Quand tu dors. Les frères Jacques faisaient Inventaire. Et Serge Reggiani faisait Paternoster. Votre père qui est aux cieux, restez-y. Jacques Prévert, qui était un poète libertaire, férocement anticlérical. Il s'est beaucoup, beaucoup moqué du pape. Il y a plusieurs poèmes là-dessus. C'est un gars qui n'a pas fait beaucoup d'études, malgré sa grande connaissance littéraire. Il a arrêté les études à 15 ans. Et après ça, il a été immobilisé à la Première Guerre mondiale. Et après ça, il a rejoint les surréalistes, même si il a fini par quitter le groupe alors qu'il s'est brouillé avec André Breton, qui avait des tendances plutôt autoritaires. Et il a rejoint un groupe de théâtre itinérant qui s'appelait le groupe Octobre. Et il allait faire du théâtre dans les usines en grève. À cette époque-là, ça se faisait. Les artistes allaient dans les usines, puis ils essayaient de créer des liens comme ça. Et il a d'ailleurs écrit un poème splendide qui s'appelle Citroën, sur justement une des grèves de la compagnie Citroën, celle qui fabrique les voitures. Alors que Jacques Prévert est mort à 77 ans. Il est mort un 11 avril, alors on salue sa mémoire. Salut Jacques! que 15 minutes à cette émission du Cirque Aquatique Magique. Qu'est-ce qu'on va aller écouter? Eh bien, je n'en sais rien. Je suis en train de chercher. C'est ce qu'on va, on va trouver. Dans le bloc de Jacques Prévert, je ne sais pas pourquoi, j'ai mis plusieurs pièces assez, assez sombres. Pourtant, Jacques Prévert était bien connu pour faire des chansons pour les enfants, des comptines. Il faisait beaucoup de jeux de mots, des blagues, même s'il versait souvent dans l'humour noir. Alors, peut-être que c'était pas très représentatif le bloc que j'ai dédié. Enfin, c'est à vous de juger. On va aller écouter un petit bloc de musique. Hillbilly. Donc, la musique du terroir. Alors, on va écouter ça dans quelques instants. Vous êtes à l'écoute de CKIA 88.3. Et on commence avec une pièce qui s'appelle « Stop, you're teasing me ». Leaving, why don't you leave and stop your teasing? If you've got a reason to leave me, either go home to your mother, I'll stay here one or the other. But you gotta stop your teasing me. Well, every night when I get home, you sit down on my knee. About 2 seconds after that, you start your teasing me. Well, I don't mind you sitting there, running your fingers through my hair, but you gotta stop your teasing me. Leaving, why don't you leave and stop your teasing? If you've got a reason to leave me, either go home to your mother or stay here one or the other. But you gotta stop your teasing me. Well, every night when I get home, you sit down on my knee. About 2 seconds after that, you start your teasing me. Well, I don't mind you sitting there, running your fingers through my hair, but you gotta stop your teasing me. Le jour où j'ai réalisé que mon mari prenait son urine, j'ai très mal réagi. Alors je lui ai défendu, j'ai dit si tu continues de faire ça, je te défends de m'embrasser de nouveau. Tu prends la porte ou je la prends. Oh, yeah. Oh, yeah. I don't know why I love you like I do. I don't know why, but I do. I don't know why you thrill me like you do. I don't know why you just do. I don't know. I love you like I do. I don't know why, but I do. I don't know why you thrill me like you do. I don't know why you just do. You never seem to want my romancing. The only time you hold me is when we're dancing. I don't know why. C'est tout ce que je me mets dans le visage, c'est du rouge à lèvres et mon urine. Vous vous massez le visage avec votre urine? Oui, et je me lave la tête avec l'urine. Tell the well that I was searching. Stop my crying when you touch me with your smile. C'était-tu assez goulayant et coulant, cette musique-là? On a entendu évidemment The Platters avec leurs harmonies vocales absolument affriolantes. La pièce, dans la pièce, s'appelait Tell the World. On a aussi entendu I Don't Know Why. I Don't Know Why I Love You Like I Do. Et Stop Your Teasing Me, c'était du Hillbilly. Alors, c'était la seule pièce du bloc Hillbilly que j'avais. Et oui, c'est ça quand on prépare son émission en 5 minutes. Mais merci d'être à l'écoute. Merci d'écouter Sequoia. C'est pour moi un grand plaisir de vous accompagner ce soir. Et puis on salue Nathalie qui a appelé tantôt pour dire qu'elle adorait le choix musical le soir, la nuit. Vous devez savoir que quand il n'y a pas d'animateur, c'est l'ordinateur qui joue. Et puis la sélection musicale de l'ordinateur, là, c'est probablement de loin la meilleure sélection musicale de toutes les radios de la ville de Québec. Et puis, je crois bien qu'on va se laisser là-dessus. Oh! C'est déjà fini. Alors, vous écoutiez le Cirque Aquatique Magique en votre compagnie François Gécouillard. Et puis vous pouvez réécouter cette émission ainsi que toutes les autres sur jeunefou.blogspot.com. Et puis on va se laisser sur une pièce d'un album qui s'appelle Oh Canada, OH point d'exclamation Canada. C'est une compilation de groupes canadiens avec une belle écureuil sur la pochette. Et la pièce s'intitule Electric Power Drum. Ciao, ciao, à la semaine prochaine.